pareil, je ne serai qu'une. Si t'es le soleil, je serai la lune. Si t'es ma vie, je suis à toi. J'entends ta voix dans tous les sons autour de moi. Si j'ose affronter les départs, si on avance que tout se prépare, si ce n'est que le préambule, c'est le début de nos envies et de nos vies. Et la vie nous appartient, rattrapons le temps écoulé, qui restera entre nos mains sans arrêt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jamais peur. Si on réécrit notre histoire, on n'oublie rien, on court plus vite, on va si loin. Si on joue dans la cour des grands, si on s'arrête de temps en temps, si tu ne fermes pas les yeux, ne cherche pas, regarde-moi et ça ira. Et la vie nous appartient, rattrapons le temps écoulé, qui restera entre nos mains sans arrêt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se relève, tu peux choisir de vivre de rêve.